Activité 11. Compréhension orale. Première écoute. Allô ? Salut Pablo, c'est Jérôme, ça va ? Pas mal, et toi ? Très bien, merci. Dis-moi, je t'appelle pour te proposer d'aller au ciné ce soir, ça t'intéresse ? Ouais, ça dépend de ce que tu proposes comme film. Carnet de route de Roberto Espinosa. Attends, je te lis le résumé. Film colombien de 1992, durée 2h10. En 1982, deux jeunes étudiants mexicains entreprennent un grand voyage en moto à travers leur pays. La route est longue et riche en rencontres et en aventures. C'est aussi des souvenirs que les jeunes n'oublieront jamais. Voilà, ça te dit ? Oui, d'accord. Ça n'a pas l'air mal. Ça passe à quelle heure ? 18h20, 20h40, 23h05. Tu préfères laquelle ? Moi, ça m'est égal. La deuxième séance sera parfaite pour moi. On se retrouve devant le ciné 10 minutes avant la séance ? Ok. Salut Pablo, à tout à l'heure. Salut Jérôme, à plus tard. Deuxième écoute. Allô ? Salut Pablo, c'est Jérôme, ça va ? Pas mal, et toi ? Très bien, merci. Dis-moi, je t'appelle pour te proposer d'aller au ciné ce soir, ça t'intéresse ? Ouais, ça dépend de ce que tu proposes comme film. Carnet de route de Roberto Espinosa. Attends, je te lis le résumé. Film colombien de 1992, durée 2h10. En 1982, deux jeunes étudiants mexicains entreprennent un grand voyage en moto à travers leur pays. La route est longue et riche en rencontres et en aventures. C'est aussi des souvenirs que les jeunes n'oublieront jamais. Voilà, ça te dit ? Oui, d'accord. Ça n'a pas l'air mal. Ça passe à quelle heure ? 18h20, 20h40, 23h05. Tu préfères laquelle ? Moi, ça m'est égal. La deuxième séance sera parfaite pour moi. On se retrouve devant le ciné 10 minutes avant la séance ? Ok. Salut Pablo, à tout à l'heure. Salut Jérôme.